Le brave Tiston était tout rouge sous le fin regard du Mistral. Mais j'y pense, ayant Muscadelle une héritière, elle est charmante de Bermondette, et qu'il épousera sera riche. Avoue-le, Tiston, c'est pour elle que tu as passé à la montagne. C'est pour elle que tu t'es mis au service de Maître Bermond, comme fit autrefois Jacob chez le patriarche Laban. C'est pour elle et c'est pas pour elle. À dire vrai, j'avais bien entendu parler de Mademoiselle Bermondette, surtout depuis que vous l'avez nommée reine. Alors, insensiblement, l'idée m'était venue. Quelle idée, Tiston ? Insistait Mistral, en riant d'un bon rire. L'idée d'aller voir. Qu'est-ce que je risquais ? Le hasard est grand, et à ne pas sortir de chez soi, on perd quelquefois sa fortune. Mais personne n'a rien deviné au Muscadel. Comme Mademoiselle Bermondette avait à peine l'air de me voir, j'ai vite compris qu'il n'y avait rien à faire. Alors, mon travail fini, mon compte réglé, je suis reparti, bien tranquillement, sans rien dire. Pendant 15 jours, oui, j'ai été triste, comme quand on se réveille d'un trop beau rêve. Puis, ça s'est passé tout seul, peu à peu. On ne me devait rien, pourquoi me plaindrais-je? Les reines choisissent, et l'amour ne se commande pas. L'heureux lumineux pays, que ce beau pays de Provence, où les reines pétrissent leur pain, où Tiston, en élevant ses murs autour d'un champ, rêve d'épouser une reine, et où les femmes de mariniers, une galère antique au corsage, appellent naïvement, et sans croire si bien parler, les poètes, des gentilshommes.